Aujourd'hui je suis dans mon monde, vous m'avez tous cassé les couilles. Le képi il fait sa ronde, il contrôle, il cherche l'embrouille. J'aimerais toucher les étoiles, mais pas j'ai par le tour de la terre. Oubliez-moi, je me dévoile, je me relève quand on par terre. Quoi quel quartier, on t'a plus vu pour taper là. J'étais à l'escalier, tu dis à tout le monde que t'étais à Marbella. Elle fait celle qui monte sa bite, je crois qu'elle a pas vu la tête qu'elle a. Là c'est tout, c'est pas Caprel, mais je crois bien que je vais les faire caprer là. On n'aime pas les couleurs, pourtant ça les gêne pas de mélanger les billets. On se dit ouais je viens hasta luego, ah, demain moi je vais roupiller. Tu dis que c'est ta gâti, moi je suis là toi même pas. Suivez mon ami, pour moi elle ne t'aime pas. Du mal à suivre le tempo, je vais briser le mur comme tempo. La chance moi je l'attends pas, c'est moi l'écriture à la compo. Maintenant c'est chaud gâté, des caméras des képis partout. Ancien power on tape le poids avec un bloc au casino partout. Aujourd'hui je suis dans mon monde. Mami tous cassés les couilles. Le képi il fait ça.